je suis belle, peu importe le présent. Tu vois sa gloire, car je ne sais qui ne regarde-moi, je suis belle, peu importe le présent. Tu vois sa gloire, car je sais qui je suis. Regarde-moi, je suis belle, peu importe le présent. Tu vois sa gloire, car je sais qui je suis. Alléluia! Il est l'éternel Dieu des armées, alléluia! Nous devons nous réjouir en lui, alléluia! Nous sommes une génération choisie, appelée par son destinant. Ce que je fais de la vie, je me l'a donné, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, donnée par son destinant. Ce que je veux de la vie, je sais qui je sais ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en joie ce matin? Are you happy this morning? Are you celebrating with our mothers this morning? Can you shout and give a clap of hands to the Lord? Alléluia. Alléluia. I'm happy this morning. Je suis content ce matin. Alléluia. Amen. That we have our mothers with us. Que nous avons nos mères avec nous. Alléluia. Amen. And I can see future mothers. Et je peux voir des futures mères. Alléluia. Amen. I want to turn to the next nearest mother by you. Je veux que tu remercies la potentielle mère à côté de toi. And say that I am beautiful. Et dire je suis belle. The men are struggling to say. Les hommes n'arrivent pas à le dire. Alléluia. But this morning we are celebrating our mothers. Hallelujah. Ce matin nous célébrons nos mères. And it's a she convention too. Hallelujah. Et c'est la convention elle aussi. I believe that yesterday we're there, Friday we're there, yesterday we're there at Kodesh. Je crois que vendredi et hier nous étions là-bas à Kodesh. Hallelujah. Amen. And so this morning we are here. Donc ce matin nous sommes ici. And my mother is here. Et ma mère est ici. Hallelujah. Amen. I'll say that she's a great woman. Hallelujah. C'est une grande femme. I remember just like it's been more than 10 years. Je me souviens que ça fait plus de 10 ans. But it was like yesterday. Mais c'est comme hier. When I was sitting by the dining at the dining table. Quand j'étais assis à la table du dîner. And she came to see me. Et elle est venue me voir. Well, can we go to church? Peut-on aller à l'église? I invite you. And I said, okay, we can go. J'ai dit ok, nous pouvons partir. Amen. And from that day, et depuis ce jour, she took care of me. Elle a pris soin de moi. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. We went to church. Nous sommes allés à l'église. She said, "Join the worship choir." Elle a dit, "Join le praise and worship." Hallelujah. Amen. She's the first person. C'est la première personne. Said, "Oh, you can fast." Qui a dit, "Oh, tu peux jeûner." I remember that day, the first fast. Je me souviens ce jour, la première fois que j'ai jeûné. C'est comme je me souviens de ça comme si c'était hier. Hallelujah. In the afternoon, she called me. Dans la soirée, elle m'a appelé. Let's go and pray. Allons, on va prier. To end the fast. Pour couper le jeûne. Hallelujah. Amen. We had all night. On a eu une veillée. Said she, we can go for all night. Elle a dit tu peux aller à la veillée. Let's go. Allons-y. Hallelujah. Amen. When he goes to church. Quand elle va à l'église. Say, well, ask your question. Answer. Elle dit si on te pose une question, réponds. During the Basel meeting. Pendant les cellules, he said, talk. Elle dit parle. Answer the question. Réponds aux questions. Hallelujah. Amen. English was not easy for me. L'anglais n'était pas facile pour moi. Hallelujah. Amen. But I said answer in English. Mais elle a dit réponds. You don't understand French. On ne comprend pas le français. Hallelujah. Amen. And so many things. Et plusieurs choses encore. Amen. Amen. I'll be angry with her. Je me fâchais contre elle. For no reason. Pour des raisons simples. And she's never angry with me. Elle n'était jamais en colère contre she's moi. Never. Elle n'était jamais en colère contre never. Moi. Never. Jamais. So many times I've been angry with her. Plusieurs fois j'ai été en colère contre elle. As my shepherd. En tant que mon berger. Hallelujah. Some shepherds when the sheep is angry they are also angry. Certains bergers quand la brebis est en colère ils sont aussi en colère. Hallelujah. But she's never angry. Mais elle n'est jamais en colère. She understands me. Elle me comprend. Anytime she's ready. À tout moment, elle est to advise, de me conseiller. Hallelujah. Amen. And to put me on the right path. Et me mettre sur le droit chemin. And today here I am. Et aujourd'hui, je suis ici. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And when I was ready to marry. Et quand j'étais sur le point de me marier. Say yes, she's good. Elle a dit oui, elle est bien. Yeah, she's good. Elle est bien. Hallelujah. Amen. And so this morning we are here. Donc ce matin nous sommes to ici. To receive a great mother. Pour recevoir une grande mère, a great sister, une grande sœur, a great friend, une grande but amie. But before she comes, mais avant qu'elle ne vienne, I want to call upon my wife. Je peux aussi appeler ma femme. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. It will interest you to know that. Ça vous intéresse de savoir that my mother, my spiritual mother, que ma mère spirituelle, is the sister of my wife. C'est la sœur de ma femme. Hallelujah. And so this morning I want to honor her. She's a great woman. C'est une grande femme. She stood by me all these years. Elle s'est tenue près de moi toutes ces années. And you see me how I am today. Et si vous voyez comme je suis aujourd'hui, it's by the grace of God and it's by her. C'est par la grâce de Dieu et par elle. And she wants to say bonjour. Hallelujah. Amen. And bonjour to everybody here. Bonjour à tout le monde. And happy Mother's Day to all the mothers we have here. Bonne fête de femmes à toutes les femmes ici. Amen. Amen. Thank you very much, my husband. Merci beaucoup, mon mari. Alléluia. So shall we stand our feet and clap and shout? Levons-nous, applaudissons and receive. I want to say that she's happily married. Je vous dis qu'elle est mariée. Hallelujah, with a son. Amen. Elle a un enfant. And she's a lecturer at the university. Et c'est une enseignante à l'université. Hallelujah. Amen. I want you to close your eyes. Fermons les yeux. I don't know if we can sing. I like the tree song, so I don't know how we are going. Si vous pouvez chanter, j'aime les chants en tuy, mais je ne sais pas comment ça va se faire. I want you to close your eyes and begin to worship the Lord. Je veux que vous fermiez les yeux et commenciez à adorer. As we sing the song, alors que nous chantons ce chant. You have brought us. Everything has been by your mercy. Even today that we celebrate our Mother's Day, it is because you have made it possible. And we don't want to take your appreciation. We want to say thank you for bringing us this far. This morning I pray that your presence will fall in this place, will engulf us, will take absolute control, will direct our minds to the word, and will cause us to understand what you have for us this morning. As I pray, Father, I come to you empty. I have nothing except what you have given to me. I pray that you will cover my emptiness with your presence. You will fill me with the words that you want me to even say, and that your name will be glorified in the end. I want to thank you and bless you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Kindly take your seats. Asseyez-vous, s'il vous plaît. And I want to thank you so much for welcoming me into the French church. Je vous remercie pour m'accueillir dans votre église francophone. I don't speak French at all. All I can say is bonjour. Bonsoir. Je ne parle pas du tout français. Ce que je peux dire, c'est bonjour et bonsoir. Comment allez-vous? Comment? But that is all. C'est tout. I want to appreciate the life of Bishop Dag. Et je veux who bénir has made all this thing possible. Amen. Je veux bénir la vie de l'évêque Dag qui a without fait tout ça possible. Without a visionary, sans une vision, this wouldn't have been possible. Cela ne serait pas possible. So I also want to appreciate Bishop Dag. Donc je veux aussi rendre grâce à Dieu pour sa vie. And I want to thank you, Sam, for giving me the opportunity to preach in your pulpit. Je veux te remercier, Sam, pour me donner l'opportunité de prêcher dans ton église. As he spoke, I realized that many things have passed, many things have happened. Alors qu'il parlait, je me suis rendu compte que plusieurs choses se sont produites. And sometimes when we are doing things, we don't think that it's worth it. Parfois, quand nous faisons des choses, nous ne pensons pas que ça en vaut la peine. But in the end, you realize how important what you did was. Mais à la fin, tu réalises combien important ce que tu as fait était. Amen. So whatever you are doing, donc quel que soit ce que tu fais, don't lose hope. Ne perds pas espoir. And don't give up. Et n'abandonne pas. Amen. Amen. I have had people that when I go to visit, je suis contente quand je vais en visite. They run as if some dangerous thing is coming. Ils courent comme si quelque chose de dangereux arrivait. They run, I say, what if you run into the road and a car knocks you? Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer si vous courez sur route et une voiture vous tombe? You are running away from me. Vous fuyez, vous me fuyez. I say, I'm not scary, am I? Je ne suis pas affreuse. But because maybe I'm saying let's go to church or something, people run. Mais parce que je veux leur dire allons à l'église ou quelque chose, les gens fuient. But in the end, mais à la fin, they appreciate the fact that I didn't stop following them. Ils apprécient le fait que je n'ai pas arrêté de les suivre. So whatever you are doing, do it and don't give up and God will bless you. Amen. Donc quel que soit ce que tu fais, fais-le, ne perds pas espoir et Dieu va te bénir. Today I want to speak on something very brief. Aujourd'hui, je vais parler sur quelque chose de très bref. And I have titled it the ancient good way. Et je l'ai appelé l'ancienne bonne manière. Amen. In this era of technological advancement, dans cette ère d'avancement technologique, we are finding new ways of doing new things and even old things we want to change how we do it. Nous trouvons de nouvelles façons de faire les nouvelles choses et d'autres choses aussi qu'on améliore. We want the fastest ways of doing things. Nous voulons faire les choses plus rapidement. We want the smartest ways of doing things. Nous voulons faire les choses plus intelligemment. We want to do things that people will say we are the best. On veut faire des choses de telle sorte que les gens disent nous sommes les meilleurs. They will say we are very smart. Et disent nous sommes très intelligents. And so day in day out there are new inventions. Donc jour après jour il y a de nouvelles inventions. New technology. De nouvelles technologies. That is coming up. Qui sortent. When as students, I believe most of us are students. Je crois que nous sommes tous ici étudiants. And some time ago for you to get many books to read. Et avant pour avoir plusieurs livres à lire, you move to even you are in Ghana, you move from Winneba to Legon to Kumasi to get books, some books that have been recommended. Si tu es au Ghana, tu vas quitter de Winneba à Kumasi pour avoir les livres qui ont été recommandés. Sometimes you sit down and write the important things from the notes. Parfois tu t'assois et écris les choses les plus importantes. Because there was nothing like photocopier. Parce qu'il n'y avait rien comme une machine à copier. So you have to write it. Donc tu devais écrire cela. Then photocopier came. Et ensuite la photocopie est arrivée. So when you travel, you can photocopy the materials. Donc quand tu voyages, tu peux photocopier ton matériel. Or you can ask people to photocopy the material and post it to you. Ou tu peux demander aux gens de photocopier ça et te poster cela. Then with time, et avec le temps, we have internet libraries. Nous avons eu les librairies électronique. So you can access manuals and books just from the internet. Tu peux avoir accès à des livres et des manuels juste à travers l'internet. If you are registered with some of these libraries, you can, as I said, I can just go online and look for information. Et alors que je suis assis ici, je peux juste me connecter et avoir des informations. So even getting information has become easier because of technology. Même avoir des informations est devenu plus facile à cause de la technologie. Some time ago, when you want to find out if somebody is somewhere, you have to move from Accra to the place, only to be told that the person is not there. Avant, pour savoir si quelqu'un était quelque part, tu devais quitter Accra jusqu'où la personne est pour juste trouver que la personne n'est pas là. Then you take another car and come back. Et tu prends une autre voiture pour rentrer. And sometimes you send a letter. Parfois, tu envoies une lettre. 2 weeks before you receive a response. 2 semaines avant que tu ne reçoives une réponse. Then we came. Telephone became popular. Ensuite, le téléphone est devenu populaire. So you can call. Tu peux appeler. From either a communication center or something. D'un centre de communication ou quelque chose. So that you don't travel. Afin que tu ne te déplaces pas. Now we have. Everybody has a phone. Some people even have 2 phones. Maintenant, tout le monde a un téléphone. D'autres ont même 2. 3 phones. 3. A phone with a double chip, triple chip, and all the chips. Un téléphone avec 2 SIM, 3 SIM et toutes les SIM. So you see that technology is making life easier. Vous voyez que la technologie rend la vie plus facile. Now, if you want to cook. Maintenant, si tu veux préparer. I mean, there are so many ways of cooking. Il y a plusieurs façons de préparer. Either you microwave the food. Soit tu mets ça au micro-ondes. You rice cooker the rice. Tu mets ça dans le. And even some of the rice cookers, you can time them. Et certains prépareurs de riz, tu peux les. So in the morning, as you are going to work, you put the rice inside the rice cooker. With the water. Donc quand tu vas préparer, tu mets ça dans le rice cooker avec de l'eau. Then you say you'll be back at 5:30, so by 5:15, the thing should start boiling. Et tu dis que tu seras de retour à 17h, donc d'ici 17h, ça doit arrêter. So by the time you come, your rice is just hot. Donc quand tu arrives, le riz est chaud. And you see that life is getting easier and easier. Donc vous voyez que la vie devient de plus en plus facile. Hallelujah. And sometimes, as Christians, we want to transfer some of the advancement into our Christian life. Et parfois, en tant que chrétien, nous voulons transférer ces avancements dans notre vie chrétienne. Some are very good. Certains sont très bien. Like this microphone. Comme le microphone. I can reach a lot of people because of the microphone. Je peux atteindre plusieurs personnes à cause du microphone. I can WhatsApp my people to make them gather at a point. Je peux WhatsApper mes gens afin qu'ils se rassemblent à un point. I can even visit somebody using the WhatsApp, Viber or something. We can chat. Je peux visiter mes membres en utilisant WhatsApp ou Viber. On peut parler. We can read books, Christian books. On peut lire des livres chrétiens. We can even attend school online. On peut même faire l'école sur Internet. So you can see that even the technological advancement is helping our Christian life to an extent. Donc l'avancement technologique aide notre vie chrétienne à un point, jusqu'à un point. But there are some things that technology cannot help. Mais il y a certaines choses où la technologie ne peut pas nous aider. So when you go to Jeremiah 6:16, which is going to be our first verse. Donc quand tu vas à Jérémie 6:16, it says, "Thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein." Amen. Don't have it. Anybody who has it? French version? Okay, maybe. It says that the Lord said, stand in the way. Dieu dit, tiens-toi sur le chemin. And see. Et vois. And ask for the old path. Et demande l'ancien chemin. Where is the good way? Où est le bon chemin? And walk therein. And walk therein. Et marche sur cela, sur ce chemin. And you will find rest for your soul. Et tu trouveras la paix pour ton âme. But they said. Mais ils ont dit. We will not walk therein. On ne va pas marcher sur ce chemin. So there is an old way. Donc il y a une ancienne façon, there un autre chemin. Ancient way, il y a un ancien chemin, which is good, qui est bien. Hallelujah. Amen. When it comes to Christianity, it is the old ways that still stand. Quand on en vient à la chrétienté, c'est l'ancienne façon qui marche toujours. You can't do, you can't make shifts about the old ways. On peut pas faire des changements concernant les anciennes façons. The ancient ways, les anciennes façons, that are good, qui sont bien. You can't cause technology to do something about it for you. Tu ne peux pas faire en sorte que la technologie fasse quelque chose contre cela. Those things, they stand as they are. Ces choses demeurent telles qu'elles sont. In the beginning, they were. Elles étaient au commencement. And now, too, they stand. Et aujourd'hui, elles tiennent toujours. And in the future, they will be. Et dans le futur, elles seront. World without end, they will be. Elles seront toujours. There are some things we cannot change with technology. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer avec Hallelujah. La technologie. There are some things technology cannot help you. Il y a certaines choses où la technologie ne peut pas t'aider. You can have all the technology. Tu peux avoir toute all la technologie. The advancements. Tous les avancements. All the knowledge. Toute la connaissance. You can even have triple PhDs because these days people are having triple PhDs. Tu peux avoir trois PhD. They are becoming professor emeritus. Ils deviennent professeurs en emeritus. The highest form of a professor. Le plus haut niveau d'un professeur. And then they even decide that they don't want to be title, so they now go and they become Mister. Ils disent qu'ils ne veulent pas avoir des titres, donc ils partent et on les appelle Monsieur. These things can happen. Ces choses peuvent arriver. You can change those things. Tu peux changer ces choses. But when it comes to certain standards in the Word of God, mais quand on arrive sur certains standards de la nothing parole de can Dieu, be changed. Rien ne peut être Hallelujah. Changé. Hallelujah. They stand as they are. Ils tiennent comme ils sont. As they used to be. Comme ils étaient. Forever they will be. Ils seront toujours Hallelujah. Comme ça. Hallelujah. And one of such things is honoring a mother. Et l'une de ces choses c'est honorer une Hallelujah. Mère. Hallelujah. You see, technology can't change how you honor your mother. La technologie ne peut pas changer comment tu honores ta mère. You can't say that I'm too advanced, so my mother is too local and ancient, so she doesn't meet my standard, so my mother is no longer honorable. Donc tu ne peux pas dire que je suis trop avancée. Ma mère, elle est toujours locale, donc elle ne peut pas être honorée. There is nothing you can do about that. Il y a rien que tu peux faire contre ça. Technology cannot help you. La technologie ne peut pas t'aider. What you have to do is just honor your mother. Ce que tu dois faire, c'est juste honorer ta mère. As it said in Exodus 20:12. Comme c'est dit quand dans Exodus 20:12. It says that we should honor our father and our mother. Elle dit qu'on doit honorer nos pères et nos mères. That we may live long. Afin que nous vivions longtemps. And that it will be well with us. Et afin que nous soyons heureux. And the same thing is repeated in Ephesians 6:2. Et la même chose est répétée dans Ephésiens 6:2. I mean, the scripture is as it used to be and it is now. La parole est comme elle était avant et elle est toujours aujourd'hui. And he didn't say honor your mother who loved you. Et on n'a pas dit aime ta mère qui t'aime. Or honor your father who loved you and took care of you. Ou honore ton père qui t'a aimé et a pris soin de toi. I don't think that in those days there were fathers who were all responsible, all loving, all caring. Je ne pense pas qu'à cette époque tous les pères étaient responsables, ils aimaient leurs enfants. They were like we used to be or we are now. Ils sont comme on nous sommes aujourd'hui. That is why God saw it. He said honor your father and your mother. If he knew that people or it is good to honor fathers who are good or mothers who are good, he would have put it there. Si Dieu savait qu'il y avait un bénéfice à honorer les pères ou les mères qui sont bien, il aurait écrit ça. Or he wanted us to honor mothers who are honorable, like they have attained a certain height in the society. So we honor them. Ou alors d'honorer les mères qui sont honorables, qui ont atteint un certain niveau dans la société. He would have said it. Il aurait dit. But he knew that some mothers are some way. Il savait que d'autres, certaines mères étaient bizarres. Some mothers at a point in time cannot take care of the children. Certains enfants à un certain point ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants. Some mothers don't even like their children. Certaines mères n'aiment même pas leurs enfants. And they will even give their children away. Et ils vont même renvoyer leurs enfants. I watched a certain WhatsApp clip where a small baby was being beaten by the mother, slapping the face, and I saw red spots on the baby's face. J'ai vu une vidéo sur WhatsApp d'une mère qui tapait son enfant et j'ai vu des taches rouges sur le visage du bébé. I think the baby was less than 2 months. Je pense que le bébé avait moins de 2 mois. Un petit enfant. The mother was hitting because the baby was crying. Et la mère lui tapait parce que l'enfant pleurait. And she couldn't stand it, so pop, pop. Elle ne pouvait pas supporter que l'enfant pleure, donc elle le tapait. So that child cannot grow and say, my mother, you beat me past, so I won't honor you. Cet enfant ne peut pas grandir et dit, ma mère, tu m'as trop frappé, donc je ne peux pas t'honorer. Because the Bible would have said so. Sinon, la Bible aurait dit. But he said we should honor our mothers. Mais il a dit, nous devons honorer Hallelujah. Nos mères. Hallelujah. It's an old tradition. It's an ancient way. And it is good. So we walk there in it. C'est une ancienne tradition. C'est une ancienne manière de faire les choses. Et c'est bien. Donc, nous continuons dans cette voie. Amen. Amen. And I've also come to realize that in this world, whatever the Bible says, actually, it's not for the person you are honoring. Et je suis réalisé que dans ce monde, tout ce que la Bible dit, le bénéfice ne vient pas à la personne que tu honores. When the Bible says love your neighbor, it isn't because your neighbor needs a certain kind of love, so he's forcing you to. The person doesn't deserve love, and the Bible says love the person. So that the person hates me, but the Bible says love the person. It's not for the person, but it's for you. Et quand la Bible nous demande d'aimer nos voisins, c'est pas que notre voisin a besoin d'un certain amour, donc nous nous forçons à l'aimer, mais c'est pour notre propre bien que nous devons aimer notre voisin. So when the Bible is saying honor your mother, donc quand la Bible dit honore ta mère, it is a seed you are sowing. C'est une semence que tu sèmes. Amen. It is a seed. C'est une semence. Amen. You think your mother was the worst mother. Tu penses que ta mère était la pire des mères. But God says honor the person. Mais la Bible dit honore cette personne. So when you become a good mother. Donc quand tu vas devenir une bonne mère. You have sown good seeds. Tu as semé une bonne semence. That you will reap. Que tu vas récolter. Amen. Amen. I took time to study corn. J'ai pris le temps d'étudier le maïs. So anytime the cobs are ready, I try to get some of the cobs. Donc à chaque fois que les the whole cob. Donc quand les épis sont prêts. And then I sometimes tell the woman I don't want the one that has a lot of corn on it. Je ne veux parfois je dis à la femme je ne veux pas celui qui a plusieurs épis dessus. And sometimes I want the one with a lot of corn on it. Et parfois je veux celui qui a plusieurs épis dessus. Sometimes when you get the one that doesn't have a lot of corn on it. Parfois quand tu as celui qui n'a pas assez d'épis dessus. If you don't count anything at all, you count more than 20. Quand tu ne comptes rien dessus, tu comptes plus de 20. The corn didn't do well at all. Donc le maïs n'a pas bien produit. But if you pick one that has also done very well, maintenant si tu prends aussi un qui a bien produit, you count an average of 790 pieces of corn on the cob. Tu comptes une moyenne de 780 épis sur le maïs. So sometimes they are more, sometimes they are less, but averagely it's above 700. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais en moyenne c'est 700. So if you sow in a good seed. Donc si tu sèmes une bonne semence. If you don't reap at all, over 20, whatever you have done times 20 dear, you will reap. Donc quand tu sèmes une bonne semence, si tu n'as pas récolté vraiment, tu auras au minimum 20%. And if you have sown bountifully. Maintenant, si tu as aussi semé en abondance, then you are looking at the time 700. Et tu es, ta semence est multipliée par 700. Hallelujah. So if it is a bad thing too that you are sowing, si c'est aussi une mauvaise chose que tu sèmes, you see that the reaping is in the same dimension. La récolte aussi est dans la même dimension. If you decide that you won't honor your mother, si tu décides de ne pas honorer ta mère, it's between times 20 and between 700. C'est entre 20 et 700 fois. That is what men will measure back onto you. C'est ce que les hommes vont mesurer. It will be pressed down, shaken together. Sera secoué, serré, running over, débordant. God will cause men to give the same thing back. Dieu va faire en sorte que les hommes puissent te rendre la même chose. Hallelujah. Amen. So if they say do good or honor your mother, don't think about the person you are honoring. Think about yourself. Donc si on dit fais du bien, honore ta mère, ne pense pas à la personne que tu honores, mais pense à toi-même. In the next 20 years, what sort of harvest am I going to reap? Donc, pose-toi la question, dans 20 ans, quelle sorte de récolte je vais récolter? Then it will shape your mind to do what God says you should do well. Et ça va t'aider à faire bien ce que Dieu veut que tu fasses bien. So today we are honoring our mother. Donc aujourd'hui, nous honorons nos mères. Have you called your biological mother? Avez-vous appelé vos mères biologiques? You need to call her and say, Mommy. Happy Mother's Day. Nous devons les appeler et dire maman, bonne fête des mères. Oh, how are you? Ou comment vas-tu? Oh, is everything okay? Ou alors tout est ok? It's okay. C'est bien. To call her. Donc appelle-la. It's a way of honoring her. C'est une manière de l'honorer. Hallelujah. Amen. You shouldn't let your mother sit somewhere and say, my son went to Ghana and he has never called me. Tu ne dois pas faire en sorte que ta mère soit au pays et dire mon fils est allé au Ghana et ne m'a jamais appelé. He knows that he is paying the school fees for you, or she is paying the school fees, or she's even putting things together to send to you, or she's even allowed you to come, or she's even backing you in prayer. I mean, there is that consciousness that you are here. Maybe she's not doing anything for you, you are struggling through yourself, but you see, you have to call and say, is everything okay at home? Même si elle ne fait pas quelque chose pour toi ici, mais inconsciemment, elle peut prier pour toi ou faire quelque chose pour toi. Donc, tu dois l'appeler et demander si tout va bien. So that your mother won't say, I don't even know where my child is. Afin que ta mère ne dise pas, je ne sais même pas où est mon enfant. Some people, their parents have taken them for dead. Certaines personnes, leurs parents leur prennent pour mort. But they are alive. Mais ils sont vivants. For the past 20 years, they have not, I mean, their shadow hasn't crossed the door path of their mother's house or their entrance. It's like their shadow, not themselves, but the shadow has not even darkened the doorway. L'ombre même de leurs enfants n'ont pas traversé la porte de leurs parents. L'ombre seulement. Because the mother did something terrible to them. Parce que la mère leur a fait quelque chose de terrible. But the Bible is saying that. Mais la Bible dit, look for the old way. Cherche l'ancienne manière. Which is the ancient way. Qui est l'ancienne manière de. And it is the good way. Et c'est la bonne manière. And walk in it. Et hallelujah. De cela. So she decided to walk in the old way, which is the bad way. That is a problem. But you are supposed to look for the old way, which is the good way. Hallelujah. Ta mère a décidé de marcher sur. Ta mère a décidé de marcher sur le mauvais chemin, mais toi cherche le bon chemin et marche dessus. And the good way, he says that it will bring rest to your soul. Et le bon chemin va apporter la paix à ton âme. Hallelujah. Amen. Most of us don't have rest. It's like we do this, we are not happy. We do this, it doesn't go well. We have sold this, it is not working. We have done this. Have you gone to the old path? Certains d'entre nous n'avons pas la paix. Nous faisons ceci, mais ça ne marche pas. Nous faisons cela, mais on n'a pas la paix. Mais est-ce que vous êtes reparti sur l'ancien chemin? Have you found it? Avez-vous trouvé ce chemin? Are you walking in it? Est-ce que vous marchez sur ce chemin? It is when you walk in it. C'est quand vous marchez sur ce chemin. That it will begin to be well with que you. Que ça ira bien avec Hallelujah. Toi. Our mothers, we don't joke with them. Nous ne blaguons pas avec nos mères. If you won't even buy them anything, call them to let them know that you are well. Même si tu ne leur achètes rien, mais appelle-les au moins pour qu'elles sachent que vous allez bien. When I was young and we go out and we don't call home, we don't say we won't come earlier. My mother says, I've been waiting for you. I said, why do you have to wait for me? You know that I've gone and I will come back. So why do you? I didn't understand. Today I understand her perfectly well. Quand nous étions plus jeunes, quand on sortait, on ne demandait pas la permission, on ne lisait pas un avis à la maison. Et quand on rentrait, notre mère disait, mais vous êtes partis, je vous ai cherché. Et on se disait, mais pourquoi tu nous cherchais? Tu sais que si nous sommes partis, nous allons forcément rentrer. Because you don't know what happens in the night or even as you are moved. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la nuit ou bien quand tu te déplaces. So if you call and say, I'm well. Donc si tu appelles et dis, je vais bien. She knows that, oh, something happened in the neighborhood, but you are well, so it is not with you. Elle sait que quelque chose s'est passé dans le voisinage, mais toi tu vas bien, donc ce n'est pas toi. You said you'll be coming at 6, but because of circumstances beyond your control, you are coming at 8, but you have called her and said, I'm well, I'm on my way. Tu sais que tu devais rentrer à 18h, mais à cause des circonstances que tu ne pouvais pas contrôler, tu vas rentrer à 20h. Donc tu appelles et dis, je vais bien, je vais rentrer, je suis en chemin. So you have put her mind at rest. Donc tu as mis son cœur en paix. If not, she'll be wondering. Sinon elle va s'inquiéter. Most of our parents, they have BP and high blood pressure because of us. Certains de nos parents, ils ont une haute tension à cause de nous. It's not because genetically they have accumulated certain things that is making them have the high blood pressure. C'est pas parce que génétiquement ils ont accumulé des choses qui font qu'ils ont la tension. But we don't call. Mais on n'appelle pas. We don't communicate. On ne communique pas. So every day their mind is, where is my child? Donc tous les jours leur ils pensent à où est mon enfant? Is she okay? Est-elle okay? Is everything okay? Est-ce que tout va bien? I mean her well-being. Est-ce que sa santé va bien? Has she found something to eat? Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose à manger? Because you are not calling. Parce qu'on n'appelle pas. And those thoughts. Et ces pensées. Gives her high blood pressure. Lui donne la tension. So if you will call, we will be lengthening their days on earth. Donc si tu appelles, tu vas prolonger leur vie sur terre. And as you are lengthening her days on earth, alors que tu prolonges sa vie so sur terre, are you lengthening your own days? De même aussi, tu prolonges ta vie sur terre. Hallelujah. So we shouldn't take them for granted. Donc nous ne devons pas les négliger. And then you have spiritual mothers, mothers who have helped you in one way or the other. Et nous avons des mères spirituelles, celles qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. We should also communicate with them. Nous devons aussi communiquer avec elles. Hello, how are you? Hello, comment vas-tu? You can send a parcel, something small, to let the person know that you are still thinking of him. Tu peux faire quelque chose, acheter quelque chose de petit pour que la personne sache que tu penses toujours à elle. And it is the good way, which is old, but it will give us rest. C'est la bonne manière qui est ancienne, mais qui va nous donner la paix. We cannot just walk any way. Nous ne pouvons pas juste faire les choses n'importe comment. We should remember the ancient ways. Nous devons nous souvenir de l'ancienne manière. Which are good ways. Qui sont des bonnes manières. And walk in them. Et marcher en fonction de cela. And we will find rest for our souls. Nous allons trouver la paix pour nous. Hallelujah. Amen. The second ancient way I want us to look at is honoring the gifts of God in Lighthouse Chapel International. Et la deuxième manière qu'on peut la deuxième ancienne manière à Lighthouse International. Like Bishop Dag. I mean Bishop Dag is what I'm talking about. Je parle de Bishop Dag. We should honor him. Amen. Nous devons l'honorer. Oh, me, as I was growing up. Quand je grandissais. Some people had dreams of becoming pastors. Certaines personnes avaient des rêves de devenir pasteur. Me, it wasn't, I mean, no. Even at the university, pastor. No. It was not one of the things I was dreaming of. Moi, ce n'était aucun de mes rêves. Même quand j'étais à l'université, ça n'avait jamais frôlé mon esprit d'être pasteur. I had that dreams. One of my dreams I remember was to be in the Navy. L'un des rêves dont je me souviens, c'est d'être Navy. D'être en Navy. En la marine. And so I talked to my father about it. I said, I wanted to join the Navy. J'ai dit à mon père, je veux joindre la marine. He said, have you seen women going fishing before? Il a dit, est-ce que tu as vu les femmes aller à la pêche une fois? So women don't go fishing. And he said, the Navy, they go fishing. They are working on the sea and sometimes they catch fish. But I have not seen any woman going fishing. So you cannot be the first woman going fishing. Son père lui a dit, je n'ai jamais vu une femme aller à la pêche. Et les marins, quand ils vont en mer, ils pêchent et ils attrapent le poisson. Tu ne vas pas être la première femme à pêcher le poisson. Then I said, I wanted to be in the army. Et ensuite, j'ai dit, je voulais être à l'armée. Then he said, "Is everything okay?" Il a dit, est-ce que tout va bien? Of all the work on this earth, why do you want to be in the Navy or in the Army? Il a dit, sur tout le travail qu'on a sur cette terre, pourquoi veux-tu être à l'armée ou à la marine? He said, "No, you can't be in the Army too." Il a dit, non, tu ne peux pas être aussi à l'armée. So as I was growing up, I didn't have ministry as one of my dreams. Donc quand je grandissais, je n'avais pas le ministère comme l'un de mes rêves. But there was a father who saw more than I could see. Mais il y avait un père qui a vu plus que ce que je pouvais voir. And he encouraged me. Et il m'a encouragé. And he said, "Do it this way." Il a dit, fais cela comme ça. And do it this way. Et fais ceci comme Follow ça. Follow up the people. Suis les gens. Take them to church. Amène-les à l'église. Do this. Fais Encourage ceci. Them. Encourage-les. I didn't know all these things. Je ne savais pas tout cela. But I had a father who spoke into my life. Mais j'avais un père qui a parlé dans ma vie. And put structures down for some of us. Et à structurer les choses pour nous. To enjoy. Afin que nous puissions and nous en réjouir. It will be inappropriate not to appreciate him. Ce serait inapproprié de ne pas l'apprécier. Amen. Amen. That you have a church here. Vous avez une église ici. Oh, you are blessed. Vous êtes béni. You are very, very blessed. Vous êtes très, très béni. Amen. Amen. You go to certain countries, even a place to call a church to go to. It's a struggle. Vous allez dans certains pays, même trouver un endroit où on appelle une église, c'est difficile. It's a big struggle. C'est un grand combat. And so you even sometimes join a certain church and they don't flow the way that will bring the gift of God out from your life. Et parfois même tu joins certaines églises mais qui ne vont pas t'aider à développer comment tu dois être spirituellement. But here we are. Mais nous sommes ici. Whatever you can do, tout ce que tu peux faire, you are encouraged to do. Tu es encouragé de le faire. If you can dance, si tu peux danser, he says dance. On va te dire danse. If you can sing, si tu peux chanter, he says sing unto the Lord. On va te dire chante pour le If you can follow up somebody, si tu peux he says quelqu'un. Do it unto the Lord. On va dire fais cela Whatever pour Dieu. You can do, tout ce que tu peux faire, he's encouraging you to do. On t'encourage à le Even faire. Even to be a preacher, même pour être un pasteur, un prédicateur. All we think about preaching is having a church like this. Tout ce que nous pensons d'un prédicateur, c'est avoir une église comme celle-ci. But a church is more than this. Mais une église, c'est plus que ça. It's the one-on-one interaction you have with people. C'est l'interaction que tu as individuellement avec chaque personne. It is more of a church than this. C'est plus d'une église que ça. Hallelujah. The people lives are impacted more than you, me standing here. When I finish and I go, only a few people will remember me. Les vies des gens sont plus impactées que quand tu es debout devant le pupitre et tu prêches. But the person who comes to you, mais la personne qui vient vers toi, says, let's go to church, et te dit allons à l'église, encourages you, t'encourage, irons your dress for you, passe tes habits pour toi. You can't easily forget that tu ne peux pas facilement oublier cette and personne. That is the real church. Et c'est ça la vraie Hallelujah. Église. And our bishop says, you can do that one too. Et notre évêque dit, tu peux faire cela. And he has given you the opportunity et il t'a donné l'opportunité de le faire. How come you cannot appreciate it? Comment est-ce que tu ne peux pas l'apprécier? Hallelujah. Amen. You have to appreciate it. It's an ancient landmark that we can't forget. Tu dois l'apprécier. C'est une ancienne façon qu'on ne peut pas oublier. Galatians 6 says that. Galates 6 dit that the person who has ministered to you in word, celui qui t'a prêché la parole, it is appropriate that you also minister to him in material things. C'est approprié que tu puisses aussi donner à cette personne des biens matériels. What he can give you is the word of God. Ce qu'il peut te donner, c'est la parole de Dieu. So you can also give him what you have. Tu peux aussi lui donner ce que tu as. Hallelujah. Amen. So you have to appreciate. It is not too much. Oh. Donc tu dois l'apprécier. Ce n'est pas trop. It's not too much. Ce n'est pas trop demandé. And like I told you, as you are doing it today, thinking that it is for Bishop Dag. Et je vous l'ai dit, quand vous le faites aujourd'hui, pensant que c'est pour l'évêque que vous faites cela, you are actually doing it for yourself. Vous le faites en réalité pour vous-même. One day, people will rise up. Un jour, les gens vont se lever and honor you in a way you have never dreamt et t'honorer d'une manière dont tu n'as jamais imaginé. You'll be there, somebody say, that lady, I remember the day she took me to church. Vous serez là et une personne va dire, cette fille, je me souviens le jour où elle m'a amené à l'église. I can't say nothing to her. I have to say something. Je ne peux pas rester sans rien lui dire. Je dois lui dire quelque chose. And what there's something that will be brought to your life, you'll be amazed. Et la chose qu'on va te donner, tu seras étonné à cela. The appreciation he will appreciate you or she will appreciate you will be more than you did for Bishop Dag. L'appréciation que cette personne va te donner sera plus que ce que tu as fait pour l'évêque Dag. But when you don't sow the seed, mais quand tu ne sèmes pas la semence, you don't expect a reward. Tu ne t'attends pas à une récompense. If you have a big yard like here and you have not sown any corn, you can sit here 10 years. You shouldn't expect corn from here. Si vous avez un grand terrain comme ça et vous n'avez rien planté à l'intérieur, vous serez ici pendant 10 ans. Vous ne devez pas vous attendre à recevoir quelque chose de là-bas. Because you have not put anything in that ground. Parce que tu n'as rien semé dans ce sol. Hallelujah. Sow into Bishop Dag's life. Donc sème dans la vie de l'évêque Dag. Appreciate him. Apprécie-le. And you will be appreciated. Et tu seras apprécié. You cannot think of how much you'll be appreciated. Tu ne peux même pas imaginer combien tu seras apprécié. It will blow your mind. Ça va t'étonner. Hallelujah. Mm-hmm. I am a teacher by profession. Je suis une enseignante par profession. And I have taught from the lowest level, primary, JHS. I didn't teach at the senior high, but I went to teach at the training college, and now I'm teaching at the university. J'enseignais depuis le primaire jusqu'à l'université. And as I move through life, et alors que j'avançais dans la vie, there is no gathering that I won't find somebody to say she taught me. Il y a aucune assemblée où je vais trouver quelqu'un qui va dire cette femme m'a enseigné. There is no gathering. Il y a aucune assemblée. Last week I was at a funeral. La semaine passée j'étais à un funérail. Behind Shoprite. Derrière Shoprite. The old Shoprite. L'ancien Shoprite. Somebody was looking at me. Quelqu'un me regardait. She was looking at me. Elle me regardait. Then I'll turn my gaze from her. Then after the funeral she came. Et après le funérail elle est venue. She said, I think you taught me somewhere. Je pense que tu m'as enseigné quelque part. I said, I don't remember. Elle dit, je ne m'en souviens pas. Then she started mentioning the schools that she had attended. Et elle a commencé à mentionner les écoles said, oh, qu'elle then, a. It's at BTC. Je dis, oh, c'est à BTC. Then all her friends around said, come and greet my madam. Et tous ses amis, elle a dit à tous ses amis, venez saluer mon professeur. She brought a lot of people to come and say hello. Elle a apporté plusieurs personnes pour venir me dire and bonjour. I've expanded the number of people I know. Et j'ai agrandi le nombre de personnes que je connaissais. Through that one person. À travers cette personne. Hallelujah. Amen. And sometimes it's a wedding. Et parfois c'est un mariage. And so many people will gather. Et plusieurs personnes vont venir. And one person will say, she taught me. Et une personne va dire, elle m'a enseigné. But I taught one person. Mais j'ai enseigné une personne. My exposure is more than being exposed to one person. Maintenant, là je suis exposé à plusieurs personnes qu'à une seule personne. So I sowed a little seed. Donc j'ai semé une petite semence. But I'm reaping bountifully. Mais je récolte abondamment. Amen. I'm reaping bountifully. Je récolte abondamment. Amen. Amen. Last year I traveled to the United States and as I was struggling to go through, somebody came and said, "Madam." And when you say "Madam," everybody knows that you're a teacher. So I said, "Who is this person?" So, oh, madam, come. Then he carried my things and then took me through the process, and I left the people I was working with behind. And then when I got out, they said, "You've forgotten. You taught me. And then she mentioned the courses I taught him. Then he mentioned his name. And he said, "We were so many, so you couldn't identify everybody, but I have identified you." And that struggle to go through immigration, he just took my things and then moved me to another point, and I had finished. Yeah. Hallelujah! L'année passée, je suis allée aux États-Unis. Et alors que j'étais en train de me débattre dans les formalités, l'immigration et tout ça, je ne m'en sortais pas. Il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, madame. Et je ne me souvenais pas de qui c'était, mais il m'a aidé à aller à travers le processus. Et quand nous sommes arrivés, j'ai dit qui tu es. Il a dit, tu m'as enseigné dans telle école. So as we sow, we will think that we are sowing small seeds. Donc alors que nous semons, nous pensons que ce que nous semons est peu. But remember that you sow only one grain of corn. Mais souviens-toi que tu as semé juste un seul. Et puis de maïs. And you reap more than 20. Et tu vas avoir plus de 20. Amen. And so I want to encourage you, whatever you are doing. Donc je vous encourage, quel que soit ce que vous faites. In the form of appreciating somebody in your life. Sous la forme d'apprécier quelqu'un dans ta vie. Don't take it lightly. Ne prends pas ça à la légère. Do it from a good heart. Fais-le avec un bon cœur. And you will reap. Et tu vas récolter. Amen. Amen. Every day I tell my students, life is sowing. And reaping. Je dis tous les jours à mes élèves, la vie c'est semer et récolter. And I tell my church members, life is sowing and reaping. Et je dis à mes membres de l'église, la vie c'est semer et récolter. If you sow good, si tu sèmes le bien, you will reap good. Tu récoltes le bien. That doesn't mean if you don't sow good, you will not reap. You will reap the bad you have also sown. So if you also sow bad, be ready to be reaping lots of bad. Donc si tu sèmes aussi le mal, sois prêt à récolter beaucoup de mal. So instead of continuing to sow the bad, change, begin to change now, so that the Lord will have mercy. So that instead of reaping bad, you begin to reap good. Donc si tu as semé le mal auparavant, change, commence à semer le bien, et afin que Dieu va aussi t'aider et tu vas récolter le bien. Hallelujah. The last thing I want to talk about, I have a lot, but I think we don't have a lot of time. La dernière chose que je veux partager, j'en ai plusieurs, mais nous n'avons pas assez de temps. Donc, the last ancient thing I want to talk about is being a Christian. La dernière chose ancienne que being je veux partager, a Christian, c'est être un chrétien. You should be a Christian. C'est être chrétien. Not a church attendant. Pas une personne qui va à l'église. A Christian. Un chrétien. You see, when in Acts, when they started calling their apostles or disciples Christians, they called them because they saw something. Dans Actes, quand on a commencé à appeler les apôtres chrétiens, c'est pas pour rien. On les a appelés chrétiens parce qu'ils les autres avaient vu quelque chose. They didn't decide that everybody call us Christians. Ils n'ont pas décidé que à partir d'aujourd'hui vous nous appelez chrétiens. But they saw something. Mais les gens ont vu quelque chose. And so Christianity goes with certain principles. Donc la chrétienté va avec des principes. And it's an ancient mark. Et c'est une ancienne an façon. Old path. Un ancien chemin. That we also have to walk in. Que nous devons suivre. You can't do anything about it. Tu ne peux pas changer cela. You have to walk in that path. Tu dois marcher sur ce chemin. Amen. Amen. And the one I want to talk about is prayer. Christian prays. Et l'une des choses dont je vais parler, c'est la prière. Un chrétien prie. Technology cannot help the prayer. La technologie ne peut pas aider avec la prière. I mean, there's no modern way of praying than the old way of prayer. Il n'y a pas une manière moderne de prier que l'ancienne façon de prier. And so you decide that you should pray yourself. Donc Tom, tu décides que tu dois prier. You can even have iPod or whatever, and then you can put it in your room and then press play, and then the thing is playing in your room, and it's a prayer. So prayer is being said in your room, but it is somebody's prayer. It is not your prayer. Tu peux même avoir un iPad et tu mets ça dans ta chambre. Tu fais jouer une prière, quelqu'un qui prie. Donc la personne va prier, mais ce n'est pas ta prière, c'est la prière de quelqu'un d'autre. People around would think that you are praying. Donc people around may think that you are praying. Donc les gens autour de toi peuvent penser que tu pries. But you are not praying. Mais tu ne pries pas. But the Bible says we should pray ourselves. Et la Bible dit que nous devons prier nous-mêmes. Amen. Amen. So we find time in the morning, do a little prayer. Donc trouve du temps dans la matinée et prie. For ourselves. Pour toi-même. Matthew 6:6, Jesus taught us how to pray. Matthieu 6:6, Dieu nous demande, Jésus nous demande de prier. And he prayed himself. Et il a prié lui-même. So we should also pray. Donc nous devons aussi prier. Amen. Amen. Pray yourself. prier pour toi-même. And then have it a personal quiet time. Avoir une vie personnelle de méditation de la parole. It's an old thing. C'est une vieille chose. In the time of Moses, God gave the manual. Dans le temps de Moïse, Dieu a donné le manuel. For our quiet time. Pour nos temps de méditation. To him. À lui. And it has not changed. Et ça n'a pas changé. It's an ancient old path. C'est un ancien chemin. You have to walk in it. Et nous devons marcher sur so that you find rest for your soul. Afin que tu trouves la paix pour ton you âme. You need it. Tu as besoin de ça. Without it, you are not a Christian. Sans cela, tu n'es pas un chrétien. You are something else. Tu es quelque chose d'autre. But we are Christians. Mais nous sommes chrétiens. So we should be Christians. Donc nous devons être chrétiens. And do our quiet time. Et faire nos temps de méditation. Joshua 1:8 talks about this. Psalm 1 verse 2 also talks about it. Josué 1:8 et Somme aussi parle de cela. And when you get our bishop's book, Quiet Time, it also talks about it. Et quand vous achetez le livre de l'évêque sur le Quiet Time, ça parle aussi de cela. And then coming to church is also a Christian duty. Et venir à l'église aussi le devoir d'un chrétien. Amen. Amen. You don't come to church when you don't feel like, or when you feel like. Tu ne viens pas à l'église quand tu as envie de venir à l'église. I feel like coming to church. I have the latest shoes, so I mean. I should put it on to church. Aujourd'hui, tu dis, j'ai comme l'envie d'aller à l'église et j'ai la dernière chaussure qui vient de sortir, donc je dois aller montrer cela à l'église. It is Mother's Day. Last year, I didn't buy the cloth, so I didn't go to church. This year, I bought the cloth. And my design, I want people to show that my design is excellent. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. L'année passée, je n'ai pas acheté le tissu chi, mais aujourd'hui, j'ai acheté. Donc, je veux que tout le monde voit que mon design, c'est le dernier design en mode. Whether you have or you don't have, you should come to church. Que tu aies le pagne ou pas, tu dois venir à l'église. Amen. Amen. I mean, church should be a Christian duty to you. L'église doit être un devoir en tant que chrétien pour and toi. As you come, et alors que tu viens, God will bless you. Dieu va te bénir. And as you come, et alors que tu viens, you will find rest for your soul. Tu vas trouver la paix pour ton âme. Hallelujah. Amen. Let's rise to our feet. Levons-nous, s'il vous plaît. I want you to close your eyes as we pray. Fermez vos yeux alors que nous prions. We are praying that God help me to look for this ancient path. Je prie à Dieu de t'aider à trouver cette ancienne manière de faire les help choses. Help me find them. Aide-moi à trouver ce chemin. And help me walk in them. Et aide-moi à marcher sur ce chemin. Sometimes we find them, but we can't walk in them. Parfois nous trouvons ces chemins, mais nous ne marchons pas sur cela. But we are saying, God, help me find them. Mais tu dis, Dieu, aide-moi à trouver ces chemins. And help me walk in them. Et aide-moi à marcher sur ces chemins. Pray to God that He should give you the strength. Qui te donne la force. To do that. De faire cela. God, our heavenly Father, we want to thank you and bless you. We pray that as we walk this Christian walk with you, we will not forget our ancient path. The ancient paths that are good paths. And help us to walk in them when we find them. Help us, for we are weak, but you are strong. Help us, for we cannot do much except by your grace. Grant us the grace and your mercies that our Christian walk with you will be sweeter than it has ever been before. We thank you in the name of Jesus. With our eyes still closed, if you are here and you have not given your life to Jesus, je peux donner ta vie à Jésus. You have not found the original path. Tu n'as pas encore trouvé le chemin original. Which is giving your life to Jesus. Qui a donné ta vie à Jésus. And allowing him to enter your heart. Et le permettre de rentrer dans ton cœur. To help you. Afin de t'aider. You cannot find rest for your soul. Tu ne peux pas trouver la paix pour ton âme. But today. Mais aujourd'hui. Jesus is here. Jésus est ici. And he says he wants to help you. Et il dit qu'il veut t'aider. Walk in that old path. À marcher sur cet ancien chemin. But you have to give your life to him first. Mais tu dois lui donner ta vie premièrement. He's ready to receive you. Il est prêt à te recevoir. If you are here and you want to give your life to Jesus. Si tu es ici et tu veux donner ta vie à Jésus. I want to see your right hand up. Je veux voir ta main droite levée. And wherever you are, we will pray with you. Et quel que soit où tu es, on va prier don't avec toi. Don't leave this place without allowing Jesus into your life. Ne laisse pas cet endroit avant d'avoir reçu Jésus. He's the only one who can help you. Il est le seul qui peut t'aider. If you are here, si tu es ici, and you want to give your life to Jesus, et tu veux donner ta vie à Jésus, lift your right hand up. Lève ta main droite. Father, we want to thank you. We want to bless you. We want to adore you for who you are. Continue to be gracious unto us. Continue to be merciful unto us. Continue to love us and show us the way. Every day of our lives, show us the right way and help us walk in them. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Oh, give the Lord a mighty clap. Applaudissez pour le Seigneur. Okay. And let's welcome our Pastor Sam. Et recevons notre Pasteur Sam. Hallelujah. Want to thank Lady Pastor Sakina. On veut remercier Epi Sakina. Hallelujah. Amen. And it's one of the best messages you can have. C'est l'un des meilleurs messages que tu peux avoir. Hallelujah. The Amen. Ancient mark, ancient path. Hallelujah. Amen. Please be seated. Asseyez-vous s'il vous plaît.